Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Micro ouvert. Les mots ont des... Oreilles. Ont des... Oreilles. Je vous explique l'idée en fait. Là maintenant, on s'écoute un micro ouvert sur la banque Triodos qui a bien 10 ans. L'idée est la suivante. Je reprends rendez-vous là bientôt avec la banque Triodos aujourd'hui en 2014. Alors à l'époque, c'était le directeur Pierre Ibi, quelque chose comme ça. Et ce monsieur était vraiment, je l'ai réécouté depuis, hein. Je ne suis pas restée... évidemment avec la mémoire d'eux, mais là j'ai réécouté, je me dis que ce bonhomme était vraiment intéressant comme tout, avec des belles valeurs, et je me demande aujourd'hui, puisque la banque est devenue plus grande, on entend un peu plus parler d'elle, évidemment dans certains milieux, hein, on est d'accord, de savoir si elle est toujours emballée vraiment par des projets... sociaux, environnementaux, culturels. Oui, on le sait comme ça, sur papier, évidemment, et puis sur des choses concrètes, mais comment ça évolue tout ça? Parce que j'imagine que c'est des choix pas toujours évidents à faire. Et donc, rencontre avec la banque Triodos il y a 10 ans et bientôt en 2014. Oui, je suis directeur d'une banque, d'une petite banque, mais une banque particulière. Mmh. La banque se nomme la banque Triodos, c'est ça? La banque Triodos, oui. Ça veut dire quoi en fait, Triodos? Triodos, ça veut dire... ça vient du grec, hein, c'est une consonance grecque, c'est Trihodos. Et Trihodos en grec veut dire trois chemins. Et en fait, ces trois chemins, c'est une référence aux objectifs de la banque, qui remontent aux origines de la banque, finalement, qui prend ses racines dans la mouvance de mai 68. Et Trihodos, c'est trois chemins, c'est le chemin de la, je dirais à la limite, le chemin de l'égalité, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais dans un sens où, et c'est inscrit dans nos statuts, que la liberté s'applique au développement de la personne. Donc on est une banque qui est centrée sur l'humain. Donc nous considérons que les personnes ont le droit de développer leur talent dans ce monde, de réaliser ce pourquoi ils sont ici. Et donc nous voulons ici aider les personnes qui ont des initiatives dans la société à les réaliser, surtout si ces initiatives ont une plus-value pour l'ensemble de la société. Le domaine de l'égalité, ça se situe, tous les êtres humains sont égaux. Et le domaine de la fraternité... Oui, normalement, oui. Et bien justement, l'objectif, papier, ça, l'objectif de la banque, c'est de favoriser, je dirais, l'éclosion de cette égalité à travers l'activité économique que nous avons. Et alors la fraternité, nous la regardons dans un sens de modernité, je dirais. Nous ne regardons plus, ça a une consonation un petit peu bonnes œuvres, la fraternité. Nous la regardons comme la responsabilité, et dans le domaine économique, la responsabilité qu'ont les gens qui ont des initiatives économiques sur les conséquences de ces initiatives économiques sur leurs prochains, sur les autres personnes, mais également sur l'environnement. Donc les entreprises ont dans la société une responsabilité, c'est-à-dire de veiller à ce que la société soit durable et que les générations futures puissent encore vivre sans étouffer par manque d'oxygène sur cette planète, mm-hmm. ou par l'extinction des espèces et de la biodiversité. Et donc, à travers ces principes fondateurs, la banque veut financer des projets dans ces trois directions, et on a choisi en fait trois thèmes qui sont la culture, l'environnement et le social, à partir de ces principes. Et donc nous finançons dans la culture, nous finançons des écoles, nous finançons des théâtres, des ensembles musicaux, des centres culturels. Ici à Bruxelles ? Ici à Bruxelles, notamment, nous avons financé par exemple un projet, c'est la compagnie de danse Rosas, d'Anna Teresa de Kersmacher et son école de danse Parts. Nous finançons aussi un projet qui est un petit cirque qui s'appelle Feria Musica. Nous finançons un ensemble comme l'ensemble Ictus, qui est un ensemble de musique moderne. Ce sont des exemples. Nous finançons des petits théâtres en Wallonie aussi, en Flandre. Dans le domaine social, mais nous finançons des homes pour handicapés, ou nous finançons le secteur associatif, hein, des associations qui s'occupent d'insertion ou de travail de proximité, que ce soit à Bruxelles ou dans les différentes parties du pays. Et en matière d'environnement, les thèmes que nous abordons principalement, c'est l'agriculture biologique, donc une agriculture durable, une agriculture qui n'utilise pas des produits chimiques, des pesticides, qui ne pollue pas les nappes phréatiques. Donc c'est un label qui est reconnu par les autorités européennes. Le label agriculture biologique est ici représenté en Belgique par le label Biogarantie. Donc que ce soit les agriculteurs, que ce soit les producteurs d'aliments ou les magasins bio, je dirais que nous finançons l'ensemble de la chaîne. Et alors, en matière d'énergie, nous finançons les énergies renouvelables, donc nous finançons des éoliennes. Nous avions financé des éoliennes en Flandre, du côté du canal Baudouin à Bruges. Et récemment, je dirais, il y a une dizaine de jours, il y a eu l'inauguration d'un grand parc d'éoliennes dans la province du Luxembourg, à Saint-Aude. Et c'est un parc que nous finançons. Nous finançons aussi des projets dans le domaine solaire. Et alors au niveau international, nous avons également des activités dans le domaine du microcrédit. Hein, donc nous sommes en fait une banque qui est en Belgique, mais une banque qui est également aux Pays-Bas et en Angleterre. Et nous avons fondé plusieurs fonds à destination des pays du Sud. Donc nous financerons des initiatives de microcrédit dans ces pays. Donc des petits crédits qui sont consentis dans les couches les plus pauvres de la population. En général, c'est les couches 25% les plus pauvres de la population. Ce sont souvent des femmes qui sont bénéficiaires de crédits, des petits groupes de femmes qui se mettent ensemble, qui s'entraident et qui, grâce à ces petits crédits, qui peuvent être des crédits de l'ordre de peut-être de 10 euros ou de 50 euros, peuvent commencer une activité économique à leur échelle sans devoir emprunter auprès de l'usurier local qui leur demande tellement d'intérêt qu'elles n'arrivent plus à vivre. Et donc, grâce à ces petits crédits, elles peuvent démarrer une activité économique et sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Donc, nous avons des participations dans des petites banques, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, en Asie, en général dans des pays qui sont vraiment dans, je dirais, les pays les plus pauvres de la planète. Voilà. C'est marrant parce que, enfin, à vous écouter comme ça, la banque Triodos, c'est une bonne banque. Ça existe, ça ? C'est une bonne banque, je ne vais pas vous dire le contraire. En tout cas, c'est une banque qui a l'air éveillée sur son voisin, Vous avez dit l'objectif de la banque au départ n'a pas été de créer, ben voilà, on va faire une banque, on va travailler avec de l'argent et gagner le maximum. Vous l'avez créée ? Non, je ne l'ai pas créée. Elle a été créée en 80. Moi, je suis, je dirige la filiale belge depuis 5 ans. Mais l'idée, ça a été de créer une banque qui puisse apporter une autre conception en matière de circulation d'argent. Donc, pas se dire on va gagner le maximum d'argent en étant une banque. On va d'abord essayer de démontrer qu'il y a moyen de faire une économie différente, de soutenir une économie qui soit au service de la personne et pas une économie qui soit au service d'elle-même. En fait, l'idée, c'est un petit peu une idée qu'on trouve dans le domaine, on parle beaucoup de consommation responsable. Donc, je dirais la plupart des gens, qu'ils soient riches ou pauvres, ont de l'argent, utilisent l'argent. L'argent est vraiment un médium entre des marchandises, c'est un médium d'échange. Et en fonction de la destination qu'on donne à cet argent, quand vous achetez un objet, si vous achetez un pain par exemple, un pain, vous donnez ce pain, de l'argent à un boulanger. Ce boulanger va faire quelque chose avec cet argent. Vous achetez une canette de Coca-Cola, cet argent va à Coca-Cola. Vous placez votre argent dans une banque, ben, cette banque va utiliser cet argent à financer des projets. Et donc, en fonction de la décision que vous prenez, votre argent va aller vers l'un ou l'autre de vos fournisseurs ou vers l'une ou l'autre banque. Et cette banque va avoir un comportement avec cet argent dans la société. Et donc, l'idée, c'est de dire, si chacun réfléchit à l'utilisation qui sera faite de cet argent, eh bien, vous pouvez influencer l'économie. Donc, le consommateur est en quelque sorte, vous votez pour la société à qui vous achetez votre produit. Et donc, nous voulons développer des produits d'investissement à destination des consommateurs qui leur permettent de faire un choix, de dire, voilà, s'ils placent chez Triodos, ils savent la destination de leur argent, c'est dans le domaine de la culture, de l'environnement et du social. Et nous informons les clients sur les projets que nous finançons. Donc il n'y a pas cet écran comme les banques classiques le mettent. Donc il y avait une banque ici sur la place de Bruxelles qui faisait la publicité. Confiez-nous notre argent et dormez tranquille. Je dirais que nous c'est plutôt confiez-nous votre argent et restez éveillés à ce que nous en faisons. Nous organisons chaque année une journée client, nous expliquons ce que nous faisons et nous sommes ouverts à toutes les questions sur l'utilisation de l'argent. Nous avons des débats avec nos clients, avec nos actionnaires, sur la méthode de travailler. Moi, je le répète, j'y connais absolument rien en tout ce qui est banque, intérêt, compagnie. Mais une banque, c'est une question, une banque réussit à vivre, il faut quand même qu'elle fasse un minimum de profit, non ? Elle doit faire du profit, oui. Absolument, et nous faisons du profit, mais beaucoup moins qu'une autre. C'est-à-dire que c'est en fait comme dans n'importe quel commerce. En fait, une banque n'a pas nécessairement beaucoup d'argent. L'argent qu'elle a, c'est l'argent de ses clients. Donc vous donnez de l'argent, vous confiez, pas donner, vous prêtez de l'argent à votre banquier, et votre banquier va prêter cet argent à une société ou à une initiative. Et entre l'intérêt que vous allez recevoir sur votre compte d'épargne et l'intérêt que la banque va réclamer à son client emprunteur, il y a une marge. Et cette marge, c'est le profit de la banque qui sert à couvrir ses frais généraux, puisque analyser un crédit, analyser et faire en sorte que cet argent soit bien placé, ça demande du travail. Donc il y a des gens qui travaillent pour faire cela, donc ils doivent être rémunérés. Nous avons des bâtiments qui doivent aussi être des locaux, nous devons payer nos loyers. Et puis nous avons des actionnaires. Et il faut les rémunérer aussi un petit peu. Et donc chacun touche sa part de rémunération qui est sur cette marge entre le coût de l'argent et le bénéfice que nous en faisons. En tout cas, vous êtes dans des beaux bâtiments. Nous sommes dans des bâtiments. Nous sommes dans de très beaux bâtiments. Remis à neuf, là. Ils sont remis à neuf, mais c'est un bâtiment ancien. Donc ce n'est pas un bâtiment moderne. En fait, c'est une ancienne usine, un ancien producteur de café, les cafés Jacques Motte à l'époque, qui ont fermé leurs portes, je crois, au début des années 80. C'est un bâtiment qui est resté vide pendant 15 ans, je crois, et puis qui a été rénové. Mais nous avons eu le souci de faire un bâtiment qui consomme peu d'énergie. Nous n'avons pas d'air conditionné, par exemple, de façon à avoir un impact faible sur l'environnement. Parce que nous voulons aussi être conséquents. Si nous donnons comme message que nous ne voulons financer des projets dans le secteur de l'environnement, nous devons aussi être cohérents nous-mêmes. Donc nous avons des programmes de consommation de papier, de choix de matériaux dans le bâtiment, de choix des peintures, de façon à ce que nous ayons un impact écologique le plus faible possible. Mais ça met du temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, la première banque de notre client ? C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez ouvrir un compte d'épargne, mais vous ne pouvez pas avoir une carte banque 6, ou vous ne pouvez pas avoir une carte de crédit chez nous. Donc, si vous voulez avoir une banque pour faire vos opérations de tous les jours, vous êtes obligé d'aller ailleurs. Malheureusement, et donc nous espérons dans quelques années pouvoir offrir l'ensemble du service. En fait, l'idée au départ, ça a été de dire, nous ne voulons pas nécessairement faire ce que font les autres banques, mais nous voulons être une espèce de banque de développement, donc qui finance des projets qui ont une plus-value dans le domaine social, environnemental, culturel, et associé à ce financement, au financement de ces initiatives, le public. Donc, qui dépose l'argent, et cet argent est à ce moment-là utilisé pour financer ces projets. L'idée, c'était vraiment de dire, vous déposez de l'argent pour financer des projets, et pas dire, ben voilà, nous offrons un service bancaire complet. Je dirais, c'était plutôt un acte qu'on demandait à nos clients de résolument choisir pour la banque pour moi c'est simple, enfin, je sais que ça doit être deux façons de voir différentes entre un compte courant et un compte épargne. Je suppose que le compte courant c'est un compte de tous les jours quoi. C'est un compte quotidien qui est utile, hein, on va dire, c'est vraiment utile, il est indispensable dans nos vies, oui. Voilà. Et c'est sûr, si il y avait cette porte qui s'ouvrait demain, moi je viens Je viens sonner chez vous, quoi. Eh bien, vous offrez signe le jour où... C'est ça. Oui, c'est effectivement une stratégie à long terme de la banque d'aller dans cette direction. Mais ça met du temps, ça demande des investissements et ça se construit progressivement. Et je sais pas, j'ai une question là. Supposons que votre banque commence à grossir. De plus en plus de gens donc viennent à la banque Triodos. Vous ne seriez pas amené à faire des compromis un peu douteux? Vous voyez ce que je veux dire? Au départ, vous êtes là dans une belle idée, et puis petit à petit, comme le monde tourne, comme il fonctionne, vous voyez ce que je veux dire? Vos idées, petit à petit, de départ, vont s'appauvrir, et puis tout compte fait, on va jouer dans la cour des grands. Ah, c'est un risque, évidemment, et c'est un risque dont nous sommes parfaitement conscients. Mais il faut se dire que c'est un débat, effectivement, qui est permanent dans la banque. Et c'est un débat qui est permanent depuis l'origine. Et je dirais que, je pense que si on avait dit il y a 20 ans aux personnes qui travaillaient dans la banque ce que nous sommes aujourd'hui, ils auraient dit oui, mais enfin vous ne pouvez pas garder votre identité, on ne peut pas garder son identité dans un contexte pareil. Or nous l'avons gardé, et donc nous sommes confiants et suffisamment attentifs à ce que la croissance ne se fasse pas au détriment des valeurs. Et c'est vrai qu'actuellement nous prenons encore des décisions, et nous continuerons à prendre des décisions de ne pas financer certains projets parce qu'ils ne répondent pas à nos valeurs. Quel genre, par exemple, de projet vous ne financeriez pas? Nous n'allons pas financer une centrale nucléaire, nous n'allons pas financer une usine chimique, nous n'allons pas financer de l'agriculture traditionnelle, et nous allons rester stricts sur ces... Vous avez dit pas financer une agriculture traditionnelle. Nous allons financer une agriculture progressive qui a un souci du futur, qui a un souci de la préservation de la nature, de la durabilité de ce monde. Donc ça, c'est vraiment un choix, et c'est vrai que ça donne une certaine limitation, puisque actuellement l'agriculture biologique représente entre 1 et 2% des surfaces agricoles, donc ce n'est pas énorme. Donc nous allons rester une banque qui reste dans une niche relativement restreinte, mais très progressiste. Et donc à mesure que ce marché, bon, nous financions l'agriculture biologique au début des années 80, alors qu'on n'en parlait pas. Maintenant, c'est quelque chose qui se développe très fort. Nous continuons à la financer. D'autres la financent également, mais nous allons toujours rester, je dirais, à la pointe dans ce domaine. Il y a d'autres aspects. Alors aussi, une question qu'on nous pose, c'est de dire, bon, si ça a du succès, les autres banques vont s'intéresser à cette approche. Et c'est vrai que nous avons aussi une dimension dans notre travail qui est l'investissement en bourse. Nous faisons un travail de sélection des entreprises sur base de leur performance environnementale et sociale. Donc les fonds que nous offrons à nos clients et qui investissent dans des grandes entreprises, des multinationales qui sont cotées en bourse, nous allons d'abord sélectionner ces entreprises avant de regarder leur performance financière. Nous allons voir comment elles se comportent en matière sociale, dans la relation avec leurs travailleurs, dans la relation avec le monde extérieur. Par exemple, les entreprises qui emploient du personnel dans des pays en développement, qui emploient par exemple, qui exploitent des enfants, qui exploitent des femmes dans les pays en développement, bien ces entreprises-là seront exclues de nos univers d'investissement. Et donc, ça c'est une approche qui s'est fort développée dans le monde bancaire. Pratiquement toutes les grandes banques ont lancé un produit de ce type. De ce que vous venez de dire? De ce que je viens de dire. Alors on peut se dire, ben, du fait que les grandes banques se mettent sur ce marché, bon, ben, je dirais, notre rôle disparaît. Mais je dirais que dans notre optique, bien au contraire, plus il y a d'acteurs qui ont une approche comme la nôtre, plus finalement ça créera aussi une conscience collective dans la population, de se dire, tiens, il y a des choix dans ce domaine. Mm-hmm. Et finalement, c'est ça le but. C'est pas pour nous le but de devenir grand, le but, c'est finalement de faire vivre une idée et une approche dans la société. Mm-hmm. Tout en montrant qu'elle est économiquement durable. Parce que si nous ne sommes pas, si nos performances économiques ne sont pas convaincantes, ben, je dirais que le monde économique ne sera pas intéressé par une démarche pareille. Mmh. Par contre, si nous prouvons que, en tenant compte de la société dans son ensemble, en intégrant des critères de ce type, nous pouvons réussir à vivre et avoir une société qui est économiquement saine, une entreprise économiquement saine, eh bien, ça aura un effet de... C'est chouette, hein, d'entendre ça. Ça fait rêver, hein. Et nous ne sommes pas des rêveurs. Nous ne sommes pas des rêveurs, nous sommes des gens très concrets. Quand on travaille avec l'argent, il faut être très concret. Mmh. Il y a cette idée, mais finalement, quand on parle, si on finance un projet, on peut être très enthousiaste par un projet, mais si les personnes qui portent le projet ne sont pas rigoureux dans les aspects financiers, nous n'allons pas le financer. Nous sommes très très stricts là-dessus, même si nous sommes enthousiastes par l'idée. Et il y a énormément de projets qui sont enthousiasmants, mais dont les promoteurs n'ont pas assez de conscience et n'ont pas assez de rigueur financière. Ça veut dire quoi ça, de rigueur financière? De rigueur financière, c'est-à-dire que quand vous empruntez de l'argent, vous devez le rembourser. Mm-hmm. Et donc, si vous commencez une activité, vous devez veiller à pouvoir payer votre personnel, payer vos fournisseurs, mm-hmm. que ce soit une entreprise ou que ce soit une SBL, il faut que les comptes soient équilibrés. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on n'a pas de but de profit qu'on ne doit pas être strict sur sa gestion. D'abord. Et ça, c'est pas toujours une idée qui est bien perçue par les gens qui ont beaucoup d'idéal. Mm-hmm. Et donc, il faut toujours avoir, et nous, c'était vraiment, nous sommes entre le monde économique et le monde des idées, nous voulons avoir un bon équilibre entre les deux. Mm-hmm. Donc idéaux, mais beaucoup de... les pieds bien sur terre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ben, comme une banque, quoi, de toute façon. Comme une banque, oui, finalement, oui. Ah, nous sommes des banquiers, et nous le revendiquons. Oui. Ben, je trouve que vous avez une bonne tête pour un banquier, franchement. Merci. Je m'attendais à... Non, vous avez une bonne tête, vraiment. Ça dépend de l'image que vous avez des banquiers, évidemment. Ah, ben oui. Si je dis ça, à mon avis, on a compris ce que je voulais dire. Les banquiers. Non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, l'univers de... Mais c'est intéressant ce que vous dites, et je pense qu'il faut le souligner, c'est que quand on va chercher son pain, quand on fait un choix d'acheter tel produit, ben, c'est sûr, l'argent ensuite est récupéré par ailleurs, enfin, et qu'à ce moment-là, au niveau politique et économique, bah, ça fait un poids, en fait. Ça, c'est important de le dire, parce que on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend pas assez compte de tout ça. C'est une chaîne. Bon, si vous assiez... Bon, il y a beaucoup, par exemple, vous achetez une paire de baskets d'une grande marque, je n'ai pas envie de citer des marques, mais vous pouvez vous poser la question. Toutes ces baskets qui sont sur le marché, toutes les grandes marques derrière lesquelles tous les jeunes courent, sont fabriquées dans des pays comme le Pakistan, l'Indonésie, le Bangladesh. Et là se pose la question, qui les a fabriquées? Et donc, il y a eu des campagnes, d'Oxfam par exemple, sur... contre le travail des enfants et qui a relevé pas mal d'entreprises qui employaient des enfants sans compensation, je dirais, dans les pays en développement. Hein, où simplement on exploite des enfants sans leur donner une chance de pouvoir, je dirais, avoir une éducation, une formation à côté de leur travail. Et donc c'est important de se dire, quand on achète un produit de ce genre, qui l'a fabriqué? Parce que si vous l'achetez, vous favorisez et vous confirmez cette entreprise dans sa démarche. En fait, vous dites, je suis d'accord avec son comportement. Mmh. Et donc, c'est intéressant d'avoir d'être attentif à ce que c'est dans la presse, d'être... C'est loin de nous en même temps. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais l'argent est quelque chose de très abstrait. Et ben c'est, oui, c'est ça... Et le monde financier, quand on parle des bourses, quand on parle des marchés financiers, si on pousse la réflexion, finalement, c'est quelque chose de très abstrait, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi ramener à son comportement quotidien, de se dire quelle décision on prend par rapport à sa goutte d'eau dans l'océan. Parce qu'en fait, si ces marchés financiers existent, ce n'est pas parce qu'il y a quelques multinationales qui jouent dedans ou quelques banquiers qui jouent dedans. C'est parce que l'ensemble, nous tous, on alimente ça avec notre argent de façon quotidienne. Donc il y a un sentiment d'impuissance quelque part, mais il faut beaucoup de petites gouttes pour faire un océan. Donc si chacun y met sa petite goutte, les entreprises changeront leur comportement. Parce qu'il est important de garder ses clients et d'avoir une bonne image auprès de ses clients. Donc, que ce soit des entreprises qui produisent, dans le secteur du vêtement, c'est quelque chose d'important, mais dans le secteur financier aussi. En fait, ce serait ça, puisqu'on dit qu'on est quand même dans une société capitalisme. Capitaliste. D'accord. Oui. Donc, il fait de l'argent pour faire de l'argent, comme vous disiez au début, pour les profits, quoi. Oui. Et que ce serait peut-être ça aussi, les enjeux qui se jouent sous-jacents comme ça. En fait, chacune, on est dans notre quotidien, et en fait, il y a une espèce de, entre guillemets, guerre en dessous qui se joue internationalement, quoi. Avec l'argent qui passe, qui fait marcher des affaires là-bas. J'entendais ce matin à la radio, c'était pas bête, j'arriverai pas à le redire entièrement, mais l'idée c'était... que là-bas, dans les pays pauvres, on fait des esclaves avec les multinationales et des choses comme ça. Et qu'ici, dans les pays riches, il y a le chômage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous suivez mon... Je suis votre raisonnement. Et le véritable combat, aujourd'hui, on pourrait se bagarrer contre l'argent, mais ça veut absolument rien dire, quoi. Il faut peut-être réfléchir à comment, puisqu'on peut réfléchir qu'on a besoin d'argent pour... ça passe dans toutes les mains. On a besoin de se nourrir, et pour en échange de se nourrir, il y a un billet qui passe. L'argent a une connotation souvent très négative dans la société. On n'aime pas l'argent, et à la fois on est attiré par l'argent, on en a besoin. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'être attiré. On en a besoin pour manger. L'argent est ce que je veux dire, c'est que l'argent est une matière neutre. C'est simplement un véhicule. Et donc son caractère positif ou négatif, c'est finalement... la manière dont vous l'utilisez. Si vous l'utilisez si vous le faites circuler dans le bon sens, il aura un effet positif. Si vous le faites circuler dans le mauvais sens, il y aura un effet négatif. Ouais, mais ça on oublie, quoi. Et l'argent, c'est un petit peu aussi, hein, si les rues sont sales et pleines de papiers par terre, c'est parce qu'il y a des gens qui jettent leurs papiers par terre. Et donc l'argent, c'est un petit peu la même chose. Si vous ne faites pas attention là où vous le mettez, eh bien, il ira son propre cours. Mais moi, j'ai encore une autre philosophie par rapport à ça. Je pensais, L'argent, quelque part, pour moi, il est venu mettre une place là où on n'en avait pas besoin au départ. C'est-à-dire, je prends un exemple, hein, vous dites si vous me suivez. Un petit village. Dans ce petit village, il y avait par exemple une tondeuse et les gens se parlent. Ah ben, est-ce que vous pourriez me prêter la tondeuse? Ah ben oui, écoute, viens manger chez moi jeudi. Enfin oui, il y avait un échange comme ça. Chacun n'était pas obligé d'acheter sa propre tondeuse. Et quelque part, un autre exemple. On tombe en panne sur l'autoroute. Ben, je sais pas, avant j'ai l'impression que les gens étaient. On se parlait plus, on se donnait des coups de main parce qu'on savait que quelque part l'autre allait peut-être le rendre. Il y avait un lien comme ça, un système de solidarité. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de demander rien à personne. On a l'argent, on appelle la dépanneuse et ça fait marcher aussi tout un système, quoi. Avec l'argent. Quelque part, l'argent a remplacé aussi le lien que pouvait avoir. Des gens. Alors on traduit ça par l'indépendance, par le fait de ne plus demander rien à personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez là-dedans? Je vous suis. Mais c'est... Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les gens qui deviennent plus... Qu'est-ce qui influence sur quoi? Est-ce que c'est l'argent qui suscite l'individualisme? Ou c'est l'individualisme qui suscite le non-souci de l'argent, de ce qui se passe avec l'argent? Donc c'est un petit peu, hein, je pense, un phénomène qui s'influe à double influence. L'argent, quelque part, a aussi un effet, je dirais, pas que négatif. Et l'argent, dans son histoire, a aussi un effet positif, c'est-à-dire qu'il permet à quelqu'un de répartir le travail et alors d'échanger les produits. Hein, si on retourne au niveau du troc, c'est très compliqué, hein, donc. L'argent a eu un effet de croissance économique, de meilleur confort dans la société aussi, je dirais. Que c'est surtout pour les pays riches que ça... Nous utilisons de l'argent dans les pays africains, c'est le kauri, hein, donc le petit coquillage qui sert de médium, hein, donc ça sert d'échange. Mais le problème, je pense, c'est quand on détache l'argent de la marchandise, hein, donc qu'on utilise de l'argent pour faire de l'argent. Et à ce moment-là, il devient tout à fait abstrait et il ne sert plus à la personne. Et donc, un de nos objectifs, c'est de ramener l'argent le plus près possible de l'échange et pas de le faire simplement circuler de façon abstraite. Non, en tout cas, ce que j'ai compris avec... Vos idées, c'est que, en tout cas, puisqu'on est dans une société où l'argent passe partout, c'est comme ça, là je suis bien d'accord, on peut pas se voler la face, de toute façon, si on n'a pas un billet en poche, on ne sait pas manger, ou on doit faire la manche, quoi. Et vous préoccupez quand même de savoir où va l'argent et comment cet argent passe de main en main, pour quelles idées, pour quels projets, pas n'importe quoi, n'importe comment, quoi, voilà. Oui, et en plus aussi veiller à ce que l'argent aille partout. Donc quand nous finançons des projets de microcrédit, c'est également pour veiller à ce que l'argent aille également vers les personnes les plus pauvres. Parce que si l'argent ne circule pas partout, il y a des parties de la société qui sont aussi, je dirais, qui meurent. Donc s'il n'y a pas d'argent... Il n'y a plus d'économie et donc les gens tombent dans un état de pauvreté extrême. Donc, un de nos objectifs aussi, quand on choisit, par exemple ici en Belgique, l'environnement, la culture et le social, c'est parce que ce sont également trois secteurs qui ne sont pas des secteurs stratégiques des autres banques. Mmh. Nous en faisons des secteurs stratégiques parce qu'il est important que de l'argent circule également dans ces secteurs-là, parce qu'ils ont besoin d'argent pour fonctionner. Évidemment. Donc, utilisation positive et pas non plus de tabou à se dire il faut trouver autre chose que l'argent ou remplacer l'argent par d'autres systèmes, retourner au troc. Nous n'avons pas une vision passéiste des choses. Je crois que l'argent peut avoir un effet positif s'il est bien utilisé. Il ne faut pas retourner à la préhistoire. Je crois qu'on est dans un monde moderne et il y a suffisamment de richesses sur cette planète que pour bien la répartir. Ben oui, c'est moi. Bon, pour moi, le message important, c'est que c'est que les personnes réfléchissent. Je crois que c'est ça finalement la chose qui est importante, c'est que chacun pour soi, dans son domaine, fasse certains choix en ayant en arrière-pensée toujours ce que devient cet argent après qu'il soit passé dans leurs mains. Et je dirais sans devoir non plus commencer à se restreindre, à devoir vivre de façon complètement austère et dogmatique. Je crois qu'on n'est pas non plus dans un monde où, je dirais, où c'est ou bien la complète jouissance ou bien la complète austérité. Mais je pense que lorsqu'il y a choix possible, et chacun en fonction de ses moyens, il ne faut pas être nécessairement riche pour faire des choix. Je dirais, si on peut faire le choix entre deux marchandises à un même prix, autant faire le choix le plus socialement responsable, sans pour autant dire je suis obligé de dépenser plus pour faire ces choix. Là où je peux le faire, il faut le faire. Mais en même temps, quand on va dans les magasins et qu'on voit un produit bio et un autre quelconque, le produit bio est plus cher. Il est plus cher, effectivement. Donc il faut aussi avoir les moyens de ces idéaux. Il faut avoir les moyens de ces idéaux, effectivement, dans ce domaine-là. Mais de toute façon, il est par exemple prouvé que si le bio atteint un volume plus important, les prix vont baisser. Tout simplement parce que, étant donné que ces produits sont moins achetés, ils font moins tourner les rayons des grands magasins. Et donc, comme les grands magasins calculent leurs bénéfices sur le temps que reste la marchandise sur leur rayon, si la marchandise ne part pas assez vite, elle coûtera plus cher. Donc c'est il faut faire tourner la marchandise vite dans les grands magasins pour faire diminuer le prix. Par exemple, vous avez les cafés commerce équitable, le label Max Havelaar, vous le trouvez dans toutes les grandes surfaces. Eh bien, ces cafés garantissent que le producteur de café, qui est en général une coopérative dans un pays en développement, a un prix minimum garanti pour son café qui lui permet de renouveler sa récolte, de vivre pendant la saison, la saison creuse. Et si il y a des grandes fluctuations de prix sur les marchés à cause de la multiplicité des intermédiaires et des spéculateurs sur les marchés du café, eh bien, il y a un prix minimum dans le prix Max Havelaar. Mais seulement si vous voyez ce prix minimum a finalement assez peu d'impact sur le prix du paquet de café que vous trouvez dans le rayon. Mais ce qui a le plus gros impact et pourquoi il coûte le plus cher, c'est parce que les gens ne l'achètent pas suffisamment souvent et que donc ce café reste trop longtemps dans le rayon. Et donc vous payez l'utilisation du rayon beaucoup plus longtemps. Et donc si tout le monde, tous ceux qui ont les moyens achètent ce café, eh bien ça fera baisser les prix. C'est ça. Ça marche comme ça en fait. Ça marche comme ça. Ben ouais. Tout simplement. Tout simplement. Et donc être riche ou pas riche, oui, chacun, comme je dis, chacun a fait son choix. Hein, donc je crois que c'est à chacun à regarder dans la panoplie de ses achats. Et je dirais que si vous regardez tous vos achats, on pourrait dire à la limite c'est le miroir de votre comportement dans votre société. Quand vous sortez du grand magasin avec votre charrette, vous pouvez voir où vous envoyez votre argent. Et ça, c'est un petit peu le reflet de votre comportement. Ouais. De votre choix. Je suis d'accord, oui, ça c'est... C'est assez théorique, mais... Parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui ont difficile et qui doivent finir le mois. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne commencent pas à se poser des questions philosophiques et mathématiques pour savoir... Alors, ils ont leurs préoccupations et c'est bien aussi. Mais ceux qui ont les moyens de le faire, c'est peut-être plus à ces gens-là. Quand on voit que l'alimentation biologique ne fait que quelques pourcents de la consommation, vous n'allez pas me dire que 90% de la population est en difficulté. Et en plus, on voit les dernières années, par exemple en matière d'alimentation, la proportion. Tous les gens critiquent la bio parce qu'elle est trop chère. Mais quand vous voyez aujourd'hui le pourcentage de dépenses des ménages dans l'alimentation, c'est un pourcentage qui ne fait que régresser. Voyez par exemple les dépenses en matière de communication, de GSM, ça ne fait qu'augmenter. Alors on peut se poser les questions, alors que l'alimentation est un choix essentiel dans la vie, parce que c'est, de ça que, c'est comme ça que vous existez, et que d'un autre côté, l'agriculture et les sols et la nature, c'est ce qui sera indispensable à nos générations futures. On peut se poser la question sur cette réflexion de se dire, une agriculture responsable est trop chère, mais par contre un GSM ne l'est pas. Donc c'est une question de choix et de mentalité. Pour moi, c'est une question de choix et de mentalité. Vous avez raison. Là, je vous suis bien. C'est vrai qu'il faudrait peut-être aller voir chez chacun, chacune. Oui, à ce point-là. Il ne faut pas aller voir chez chacun, que chacun regarde chez soi. Je crois que c'est un... Il ne faut pas devenir Big Brother. Et... Non, mais c'est vrai, c'est juste. C'est juste. On va réfléchir là-dessus. Bien, réfléchissez. Merci. Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons lourds? Combien de nations respectent la population? Est-ce que c'est demain qu'on broutera le gazon? Que les nouveaux bergers gardent sur leur montagne de pognon lourd? Survive. respecte la population. Est-ce que c'est demain qu'on broutera le gazon, que les nouveaux bergers gardent sur leur montagne de pognon? Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons? L'autre, combien de nations respectent la population? Est-ce que c'est demain qu'on broutera le gazon, que les nouveaux bergers gardent sur leur montagne de pognon? Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons? Voilà, et avant de nous dire au revoir, ben il y a un bouquin. Ben Noémie est là, en fait, elle est arrivée. Bonjour Noémie. Bonjour. Tu vas nous lire le... Parce que c'est toi qui l'as amené, ce bouquin. Enfin, tu l'as lu, n'est-ce pas? Et voilà, c'est... Parle-nous. Il y a un petit... comment on dit ça? Un petit résumé du bouquin. Ouais, un prix non inséré, on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est le Vlaams Blok en chacun de nous, de Manu Kleis. C'est un flamand, en fait. C'est un anversois, Kleis. Alors, donc, c'est un essai, hein. Mm-hmm. Il est assez connu en Flandre. L'an dernier, il a publié ce livre qui est maintenant traduit en français. Donc, c'est comme ça qu'on en parle. Tu peux peut-être nous lire le petit résumé. Hein. Voilà, ouais. Donc, sa thèse est à la fois simple et décoiffante. Nous, Flamands, sommes collectivement un peu responsables du score élevé du Vlaams Blok, que ce soit par notre comportement, notre mentalité ou par notre absence de réaction face à des attitudes racistes ou discriminatoires. Manu Kleis brosse un portrait sans concession de l'âme flamande et tente d'expliquer le paradoxe apparent de la percée d'un parti d'extrême droite dans une société prospère. Il en appelle à un profond changement de mentalité et à un remembrement politique susceptible de couper l'herbe sous le pied du bloc. Irrecevable par l'opinion flamande s'il avait été rédigé par un francophone, le pamphlet de Manu Kleis a d'autant plus d'impact qu'il émane d'un habitant d'Anvers, où le Vlaams Blok culmine à plus de 30%, et qu'il ne se contente pas d'imputer aux responsables politiques actuels la plus grande part de responsabilité dans l'avènement d'un parti antidémocratique. Joli coup de pied dans la fourmilière. Et voilà, merci Noémie. Hein. Ben voilà, mercredi prochain, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Salut. Voilà. Micro ouvert, les mots ont des oreilles. Thank you. Micro ouvert, les mots ont des oreilles.